matin à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net et c'est parti pour une émission spéciale des bons plans solidaires qui vous est proposée par le groupe Solidaire Actif de l'association Arelia. Cette émission spéciale va concerner une manifestation incontournable dans la région puisqu'il s'agit du festival du film d'action sociale Rencontre documentaire qui en est à sa 23e édition et qui a démarré ce matin et va se poursuivre jusque vendredi soir. Ce festival est organisé par l'Institut du Travail Social de Lorraine et se déroule tous les deux ans sur leur site de Nancy et de Metz. Nous avons de nombreux invités aujourd'hui pour cette émission spéciale et quelques chansons aussi. Tous les chroniqueurs habituels de la Dream Team que vous connaissez bien sur Fadjet sont dans les starting blocks. Alors je vous propose de démarrer tout de suite l'émission. Et pour débuter, honneur au directeur du festival, et c'est toi Sandrine qui va interviewer Daniel Frisoni. Daniel Frisoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du festival du film d'action sociale, Rencontre documentaire de l'IRTS de Lorraine. C'est la 23e édition du festival qui a lieu cette semaine, du 17 au 23 mai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement la genèse de ce festival et en quoi il consiste ? Ce festival, il a quelques années déjà, et c'est un festival qui est né au sein de l'IRTS, auprès des étudiants. L'idée étant d'emmener les étudiants dans des lieux où il va rencontrer des personnes qu'on ne peut pas rencontrer à 80. Donc il y avait une envie d'emmener les étudiants sur le terrain vraiment, et c'est pas facile de trimballer 80 personnes. Donc au départ l'idée c'était d'amener des films documentaires au sein de l'IRTS pour les montrer aux étudiants. Et puis le dispositif s'est élargi, s'est agrandi, et aujourd'hui c'est devenu un événement phare de la vie de l'IRTS de Lorraine, donc du centre de formation de travailleurs sociaux, à la fois sur Nancy et sur Bourg-Saint-Martin. Et on a reçu beaucoup de films, et je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais c'est un gros travail de ratissage et de choix. Comment est-ce qu'on organise un tel festival ? Combien de temps et de personnes sont nécessaires pour sa préparation ? Alors, on parlait ça le jour avec des collègues qui disaient « Ouais, non mais en fait, nous on est trois, mais il faudrait être six. » C'est vrai que c'est un gros travail surtout de repérage. Je veux dire par là que bon, on a reçu 350 films cette année, on en a retenu 50, donc il faut quand même voir les 350 pour savoir lesquels on va garder. Donc c'est un gros travail de repérage, donc il faut effectivement avoir du réseau, avoir des contacts. Nous on travaille beaucoup avec une plateforme qui s'appelle DocFilm Depot, qui dépend des rencontres documentaires de l'USAF. Et ben, il faut rencontrer des gens et puis voir un peu ce qui se fait, parce que c'est pas facile comme ça quand on est chez soi dans son fauteuil de savoir ce qui se passe au bout de la France quoi. Pouvez-vous nous présenter ce 23e festival et quels vont être les grands temps forts de cette 23e édition ? Alors c'est une formule particulière parce qu'on est sur une plateforme numérique, alors qu'actuellement on est en présentiel. Mais un des temps forts importants, c'est qu'on a mis en place un spécifique avec l'association Arelia et le groupe Solidaire Actif, un jury qui va donner le prix de la solidarité, donc qui est un prix de 300 euros qui est abondé par Arelia, sur le film qui parle le mieux de façon la plus pointue de la solidarité et des problèmes de solidarité aujourd'hui dans la société française. Quelles conséquences dans le cadre de cette crise sanitaire, vous en parliez à l'instant, y a-t-il eu tant pour les réalisations des films que pour la préparation de cette 23e édition ? Alors la grande difficulté, c'est qu'on nous a dit, le festival devait avoir lieu il y a un an en fait, et il y a un an on nous a dit, il n'y a pas question, c'est trop dangereux de rassembler du monde, donc on s'était dit à l'époque, bon bah écoutez, si on peut pas avoir lieu en mai, on pourrait le mettre soit début juillet, soit en septembre. Bon, on a vite compris que c'était un petit peu, qu'on rêvait beaucoup, parce que le Covid était là pour durer. Et du coup, on a dû déplacer le festival d'un an. Et malgré ça, en fait, les circonstances sanitaires nous ont pas permis de rassembler du public. Donc, on a carrément basculé la formule sur une plateforme numérique. Alors, ce qui est, c'est pas le même esprit, c'est pas la même chose. Mais en même temps, ça donne une souplesse parce que les films sont accessibles en permanence, mais bon, je pense que la personne qui s'occupe de ça en parlera mieux que moi, mais je pense qu'il y a vraiment eu un travail de bascule du festival sur la plateforme, qui est difficile pour nous, c'est de travailler à distance, parce qu'en général, bon, on est une équipe, on se voit tous les jours, on bosse vraiment sur la construction du programme. Là, bah, c'était chacun chez soi, et puis on parle au téléphone, ou on parle sur des plateformes Zoom. Bon, c'est un petit peu difficile. Ce qui est plus gênant, pour moi, au-delà des conséquences pour nous, organisateurs, ce qui est plus gênant, c'est qu'un festival, il y a le côté fête dedans, il y a le côté rencontre, il y a le fait de pouvoir parler à des réalisateurs en face à face. Et là, c'est plus compliqué. Ça demande de mettre les choses sur la plateforme, donc d'être préenregistré. Donc, c'est toute une organisation un peu différente qui nous a demandé vraiment de nous adapter aux circonstances. Mais bon, après, c'est ce qui se passe actuellement partout en France, l'adaptation aux circonstances. Donc, on ne va pas se plaindre, le festival a lieu quand même. Donc, on est très contents. Et qu'espérez-vous de cette 23e édition du Festival du film d'action sociale, rencontre documentaire, qui est vraiment incontournable depuis si longtemps ? Écoutez, ce qui a fait évoluer les choses, c'est justement le fait d'être sur une plateforme, parce que là, on expérimente une nouvelle forme de festival. Alors, je ne dis pas que le festival aura lieu maintenant toujours sur une plateforme, mais on se dit qu'il y a peut-être moyen de coupler un festival en direct, en live, en salle, et puis peut-être des choses qui se passeraient sur une plateforme en parallèle, parce que le Covid nous empêche de nous rencontrer, mais la plateforme permet aussi à des gens qui sont à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, de voir le festival. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai été en contact avec des réalisateurs syriens qui sont actuellement dans des camps à la frontière entre la Syrie et la Turquie, et qui suivent le festival parce que, effectivement, ça leur permet, le fait de pouvoir se connecter sur Internet, de voir le festival même à l'autre bout du monde. Même chose pour les réalisateurs québécois qui nous ont envoyé des films. Il y a également des possibilités pour eux d'interagir. Donc voilà, il y a vraiment des choses là qui nous ont obligés de nous adapter, mais aussi qui vont développer, je pense, une nouvelle vision du festival. D'ailleurs, on espère vivement pouvoir passer dans une formule annuelle au lieu de bisannuel l'année prochaine, mais ça c'est, on va devoir travailler un petit peu dans les coulisses avec nos partenaires pour voir comment on peut mettre ça en place. Eh ben, c'est un scoop ça. Un petit mot de conclusion, Daniel, une précision, un autre scoop peut-être. Alors moi, il y a quelque chose quand même que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que on a développé un partenariat avec l'association Arelia et surtout avec le groupe GSA, donc le groupe Solidaire Actif, depuis plusieurs années. Là, cette année, on a carrément un prix de la solidarité. Cette collaboration, nous, elle nous est très très chère, parce que je trouve que c'est important aussi d'être avec les gens qui sont sous le terrain et d'interagir avec eux, de pas être dans notre bulle un petit peu de centre de formation, là où on réfléchit sur des problèmes abstraits, mais d'être vraiment en contact avec les vrais gens pour donner un prix. Je trouve que c'est vraiment un moment fort du festival, et j'espère que ça pourra être reconduit dans l'avenir, parce que vraiment, pour nous, c'est très très important. Nous l'espérons aussi. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Frisoni. On vous souhaite à vous et à toute l'équipe du festival une nouvelle fois un grand succès pour cette nouvelle édition. Et on se retrouve très vite et en ligne pour suivre toute cette semaine le festival Rencontres documentaires et films d'action sociale, 23e édition. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, à bientôt. Eh bien, merci Sandrine et merci à Daniel Frisoni. Sandrine, à tout à l'heure pour ta seconde invitée. On poursuit notre émission et nous retrouvons Vincent qui rencontre Benoît Malherbe, le responsable de la technique audiovisuelle durant ce festival. À vous, messieurs. Oui, bonjour Benoît Malherbe. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Oui, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. En fait, je travaille à l'IRTS de Lorraine depuis une quinzaine d'années en tant que technicien informatique et audiovisuel. Et je suis diplômé de l'IECA à Nancy, l'Institut Européen du Cinéma et d'Audiovisuel. Et donc, je suis responsable de la technique sur les rencontres documentaires de l'IRTS. Quel est votre rôle durant ce 23e festival du film Regards documentaires de l'IRTS de Lorraine ? Mon rôle sur l'organisation des rencontres documentaires à l'IRTS, il court sur toute la période d'organisation, dès la période de sélection des films, jusqu'après le déroulement des rencontres et la diffusion des films dans les salles de projection à l'IRTS, mais aussi quand on fait des projections à l'extérieur, comme dans les salles d'Arelia, par exemple. Alors cette année, comme c'est une année particulière, les rencontres documentaires ont lieu exclusivement en ligne. Donc il s'agit d'adapter le travail et de configurer la plateforme pour que tous les films qui ont été sélectionnés soient disponibles sur la plateforme à partir de lundi 17 mai pour que le public puisse se connecter et profiter du contenu complet du festival sur les 5 jours que vont durer les rencontres documentaires. Dans votre rôle, combien de temps est-il nécessaire pour préparer un festival du film documentaire social ? Alors, c'est pas évident de vraiment donner une évaluation précise comme ça du temps que ça nécessite, parce qu'en fait, l'organisation, elle court sur plusieurs périodes. Donc, ça démarre avec tous les visionnages qu'il faut faire pour sélectionner les films. Et après, ça monte en charge progressivement pour arriver jusqu'à à m'occuper tout mon temps sur les semaines qui précèdent le festival. Donc là, comme en ce moment, par exemple, ça prend tout mon temps, surtout avec la configuration de la plateforme. Pour vous, Benoît, quels vont être les temps forts de ce festival ? Alors en fait, celui que je retiens, qui me vient le premier en tête de temps fort, ce sera basiquement l'ouverture du festival, donc l'ouverture de la plateforme. Parce que le festival aurait dû se dérouler dans les locaux de l'IRTS et dans les locaux de nos partenaires comme d'habitude, mais vu que la situation est particulière, on a dû se retrancher derrière cette solution de plateforme en ligne, parce qu'on voulait à tout prix que le festival ait lieu cette année, parce qu'il devait avoir lieu en 2020 au départ. Et donc, on a dû s'adapter, travailler différemment, trouver des solutions techniques pour que tout fonctionne, et ça va se traduire par la mise en route de cette plateforme de diffusion. Et donc, pour moi, ce sera vraiment le premier moment fort, puisqu'on aura réussi, j'espère, avec l'équipe, à mettre en place les rencontres documentaires de la meilleure des manières possibles cette année. Et on espère que le public sera au rendez-vous pour en profiter. Un dernier mot de conclusion, Benoît ? On est impatients que les rencontres démarrent et qu'on puisse proposer au public tous les films documentaires qui ont été sélectionnés. On espère qu'il y aura du monde à nous rejoindre sur la plateforme. Et je tenais à vous remercier de nous avoir donné de la parole et de pouvoir discuter des rencontres documentaires aujourd'hui. Donc merci encore et bonne journée à tous et à toutes. Eh bien, merci beaucoup Benoît. Nous vous souhaitons un bon festival et un beau succès pour cette 23e édition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Benoît Valherbe et merci Vincent. On te retrouve un peu plus tard dans l'émission pour une nouvelle interview. Il est l'heure maintenant de notre première pause musicale dans cette émission spéciale qui dit festival et film nous amène à nous souvenir de cette belle chanson de Claude Nougaro composée par Michel Legrand, Le cinéma. On écoute cette chanson et on se retrouve juste après. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net pour une émission spéciale autour du festival du film d'action sociale Rencontre Documentaire qui se déroule depuis ce matin et jusque vendredi soir. Et nous retrouvons Vincent une nouvelle fois. Cette fois, Vincent, nous entrons dans le cœur du festival puisque tu reçois Raphaël Karim qui fait partie d'un des jurys du festival, celui dénommé Regard Documentaire. Vincent et Raphaël, c'est à vous. Bonjour Raphaël Karim. Bonjour Vincent. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Fadjet ? Dans mon parcours, j'ai un diplôme de doctorat en cinéma audiovisuel que j'ai obtenu à l'Université Nancy 2. J'ai fait des réalisations documentaires et quelques courts-métrages. J'ai eu un prix pour un court-métrage sur Nancy dans un festival. Et j'ai un long métrage documentaire qui a été sélectionné dans un festival international à Amiens, qui était bien reçu. Et je suis aussi intervenant à l'RTS dans la programmation cinéma. Et j'interviens aussi donner des cours aux étudiants pour leur parler de l'analyse de l'image et ce qu'elle peut apporter au social. J'ai aussi, je suis connu de certains auditeurs et auditrices de Radio Fadjet, ont connu certainement un magazine de cinéma critique que j'animais sur Fadjet pendant quelques temps qui s'appelle La Note Bleue, dans laquelle je fais la critique du cinéma, la chronique, je suis des films qui sortent dans les salles et j'ai interviewé presque un grand nombre de réalisateurs et d'acteurs et d'actrices qui étaient en tournée, soit à Nancy, soit dans les festivals de FAMEC ou de Villerue ou bien au festival de Cannes. Qu'est-ce que le jury Regard Documentaire du 23e festival de l'IRTS de Lorraine ? Ben écoutez, on a une mission officielle qui est de sélectionner un film ou deux films pour les prix qu'on va accorder. Mais moi j'ai dit à mes deux collègues qui sont dans le jury et qui ont des compétences aussi importantes, je leur avais dit, on va pas gâcher notre plaisir, on va pas penser tout de suite au film qu'on va primer. On prend le temps de voir un film, le plaisir de le regarder et la richesse de l'échange qui va être entre nous parce qu'on a un parcours professionnel différent entre nous trois. Prenons ce temps-là doucement, tranquillement et le film qui va être primé et sortira à la fin de notre richesse d'échange. Donc voilà, on prend le plaisir d'abord de regarder. Je reste comme spectateur. Et s'il le faut, je peux revoir le film deux ou trois fois pour apporter mon analyse et pour voir un petit peu les côtés qui peuvent me toucher, qui peuvent être intéressants pour le public. Quels sont vos critères de sélection des films présentés ? Personnellement, ça sera la même chose pour mes collègues aussi. On a eu des chances sur quelques films. Le film doit d'abord pas seulement, filmer descriptivement une situation. Et la situation doit être un petit peu singulière, intéressante, peut-être originale, même pourquoi pas, nous apprend des choses sur elle. Et deuxièmement, qu'il y ait au moins un langage cinématographique dans lequel le réalisateur manifeste quelques créations, quelques inventions aussi, que soit je sois touché par un plan, ou bien par une séquence, ou bien par une prise de vue, ou bien par une manière de montrer une telle situation, ou bien la manière d'accompagner en économisant les images un personnage. Donc ce sont des choses comme ça qui peuvent nous toucher, qui peuvent aussi m'étonner, et de voir aussi que derrière il n'y avait pas un réalisateur paresseux où il avait vite fait les choses et qu'il y avait derrière vraiment un travail minutieux pour filmer une telle ou telle situation. Sans dévoiler vos choix, avez-vous eu un gros coup de cœur pour un des films en sélection cette année ? comme vous dites, je ne vais pas dévoiler les choix, mais pour le moment, il y a des thématiques intéressantes. Il y a quelques films qui sortent un peu de l'eau. Il y a un film aussi dans lequel la manière de filmer et de restituer la situation que j'ai trouvé assez particulière et qui m'a vraiment touché. Donc il commence à sortir quelques pépites au fur et à mesure qu'on visionne les films qui restent. Vous êtes réalisateur vous-même, alors filme-t-on de la même manière un documentaire sur l'action sociale qu'un film classique de fiction? Non, j'ai tourné les deux, c'est pas la même chose. J'ai tourné la fiction, j'étais obligé de même s'il y avait un acteur professionnel, donc j'étais obligé de le faire répéter, de faire à ce qu'on appelle le théâtre pour répéter leur rôle et aussi comment pour ressusciter l'émotion. Donc il y a travail et il y a aussi des manières qu'il y avait un petit peu de spectacle, il y a un peu de subjectif, il y a tout l'environnement et qu'il y a un peu de ce qu'on appelle l'artificiel, mais c'est voulu, c'est ça la fiction, c'est pas le fait de montrer tel qu'il est la situation, mais de la rendre présentable et on laisse libre à notre imaginaire. Par contre, le documentaire, non, le documentaire, j'ai eu cette partie de documentaire, c'est le filmer le personnage en réel, c'est de restituer la spontanéité de personnage, c'est de l'accompagner et de rester discret et distant et ne pas essayer de montrer son subjectivité. S'il y a une subjectivité, elle vient à travers les propos du personnage et non pas imposée par le réalisateur. Donc il y a l'objectivité, il y a filmer le réel, rester à distance et essayer de ressortir la spontanéité des situations. Donc voilà, il y a une différence entre les deux. Nous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé et nous vous souhaitons un bon festival. Merci, ouais. Je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Eh bien, merci Vincent et Raphaël. Il est temps maintenant d'accueillir Roger qui reçoit son invité qui est Agathe Antoine, responsable de la communication du 23e Festival d'Action Sociale Rencontre Documentaire de l'IRTS. Alors Roger et Agathe, c'est à vous. Bonjour Agathe Antoine. Bonjour Roger. Alors vous êtes responsable de la communication de la 23e édition du Festival du Film Rencontre Documentaire organisé par l'IRTS de Lorraine. Cela va se dérouler du 17 au 21 mai 2021. Alors, en quoi consiste la communication de ce festival, Agathe ? Alors, pour commencer, nous avons une page dédiée sur le site de l'IRTS de Lorraine, où nous mettons les informations relatives au festival. Sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, nous avons lancé un compte à rebours à J-50. Donc, tous les jours, on dévoile un film de la sélection en publiant sa bande-annonce. Nous avons également mis en place une newsletter que nous envoyons donc à tous les étudiants et apprenants de l'IRTS de Lorraine. On a un fichier de 1500 spectateurs également et puis on l'envoie aux établissements sociaux et médico-sociaux et aussi aux réseaux professionnels de l'audiovisuel et des réalisateurs, bien entendu. Pour vous, quelles sont les difficultés ou challenges pour justement promouvoir auprès des professionnels et du grand public ce festival ? Comme tout événement culturel, il peut passer inaperçu, alors il faut pouvoir sortir du lot et c'est effectivement un challenge. Nous avons réussi il y a quelques années à faire connaître notre festival grâce à un partenaire qui s'appelle DocFilm Depot, qui propose de gérer les appels à films des festivals de films documentaires comme nous. Donc les réalisateurs et les boîtes de production inscrivent leurs films à un ou plusieurs festivals en fonction de leur thématique. Et ça nous a permis de nous faire connaître des professionnels de l'audiovisuel et surtout de doubler le nombre de films reçus en sélection. Cette année, on en a reçu plus de 350. Alors, comment avez-vous justement géré et coordonné tout ce travail à mener? Et combien de temps faut-il pour une telle organisation? Cette 23e édition est une édition particulière. On avait beaucoup avancé sur la communication du festival en 2020 avant qu'il soit annulé. Et quand on a pris la décision de reprogrammer le festival, on a repris le visuel, on a repris la sélection des films. Donc finalement, on a gagné quand même pas mal de temps. On a vraiment commencé la com avec le dévoilement des films sur Facebook, donc à J-50. Ensuite, pendant un mois, on a travaillé sur la création du site du festival. Et là, maintenant que le festival a commencé, eh bien, on doit relayer l'info au maximum avec des émissions de radio comme celle-ci ou sur Internet. L'organisation de cette 23e édition se fait en ligne pour les raisons que l'on sait. Alors, au niveau de la com, justement, qu'est-ce qui a été nécessaire de modifier à cette occasion, en soulignant que cette partie de l'organisation est une fonction tout à fait essentielle? Avec le confinement, on a dû évidemment modifier notre plan de com. Donc, on n'a pas sorti d'affiches, on n'a pas de sortie de programme papier. Les lieux pour les déposer, de toute façon, sont fermés. Donc, la com s'est faite essentiellement en ligne. Et comme le festival est en ligne également, qu'il est accessible à tous, on a pu communiquer sur tout le territoire national et international. Et comme il n'y a plus de limite géographique, et ben c'est un réel atout pour notre festival cette année. Comment rejoindre justement bien le festival? Découvrir et visionner peut-être les 51 films sélectionnés du 17 au 21 mai. Alors, le festival est accessible à l'adresse que je vous donne. Donc, c'est irts-lorraine.kino.tv. Alors, Kino, c'est K-I-N-O-W. Donc, vous pouvez retrouver cette adresse sur notre page Facebook, @rencontredocumentaires, ou sur notre site internet, le site de l'IRTS de Lorraine, et c'est irts-lorraine.fr. Voilà, on a bien noté tous ces bons petits renseignements. Et un mot maintenant de conclusion, ou une précision peut-être, Agathe? Ben, je suis ravie d'avoir monté ce partenariat avec le GSA. C'est pas la première fois qu'on monte un projet ensemble autour du festival, et à chaque fois, ils sont tous ultra motivés et s'investissent à fond. C'est vraiment chouette de travailler avec eux. Merci beaucoup de votre disponibilité. Nous vous souhaitons quand même un bon festival et beaucoup de succès pour cette 23e édition, en espérant que l'année prochaine, on se retrouve pour la 24e, bien évidemment. Merci Agathe, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Eh bien, merci Agathe Antoine et merci à toi Roger. On te retrouve un peu plus tard dans l'émission avec ton nouvel invité. Une nouvelle petite pause musicale à présent dans cette émission, extrait d'un film culte du cinéma français que l'on regarde comme un documentaire, le fameux Grand Bleu de Luc Besson, avec cette chanson d'Éric Serra, My Lady Blue. On se retrouve juste après. No more sun, no more wind. my baby, I love you, my lady blue. I'm looking for something I'll never reach. I'm searching for something that I'll never reach. I seek eternity. Bien sûr, Fadjet 94.2 et Fadjet.net pour cette émission spéciale autour du Festival du film d'action sociale Rencontre documentaire qui se déroule toute la semaine à Nancy et partout en France et même au-delà puisque cette année le festival est en ligne sur Internet. Et nous vous donnerons les liens de la plateforme pour le suivre toute cette semaine. Nous poursuivons le déroulement de ce festival avec un autre jury, celui qui décernera le prix de la solidarité et qui sera remis par l'association Arelia et le GSA. Et pour cela, nous accueillons à nouveau Roger, qui reçoit Bernard Couadon, le président d'Arelia. C'est à vous. Bonjour, monsieur Couadon. Bonjour. Nous sommes ensemble en direct avec le président donc de l'association Arelia. Pourrez-vous nous présenter succinctement qui est l'association Arelia ? Donc, une petite association, petite entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas si petit que ça, dont la maxime de l'association, c'est les solidarités en action. Alors, Arelia, donc, c'est plein d'actions concrètes dans plein de domaines différents. À Arelia, on fait de l'hébergement. On héberge à peu près 300 à 400 personnes tous les soirs. Hébergement de toutes sortes de publics, que ce soit des personnes de la rue, des personnes en grande difficulté, mais aussi des migrants, beaucoup de migrants, des personnes en insertion, donc vraiment beaucoup de monde. Alors, hormis l'hébergement, on a plein d'autres actions aussi. On a des chantiers d'insertion, une insertion dans le monde du travail, avec différents domaines, chantiers de bâtiments, espaces verts, enfin, je vous raconte pas tout. Et puis, en dehors de l'insertion, on fait aussi divers accompagnements dans plein de domaines, par exemple de la médiation familiale pour des couples qui sont en difficulté. On fait des accompagnements aussi pour les bénéficiaires du RSA. Voilà, et là encore, je vous en passe beaucoup. Donc, Arelia, au total, on est sur 19 sites différents, 19 endroits différents, sur le territoire de Nancy, sur le territoire de Toul, mais aussi en Moselle. Arelia, c'est quand même au total 600 salariés, dont 200 salariés permanents et puis 400 salariés en insertion. C'est une petite association entre guillemets. L'association Aurélia est un partenaire depuis toujours de l'IRTS de Lorraine au travers de ses formations, justement, comme vous venez de le souligner, et de ses étudiants qui viennent en stage à Aurélia, mais aussi de différentes manifestations, journées d'études, conférences organisées par l'IRTS ou par Aurélia. Il était donc naturel de rejoindre depuis plusieurs années le festival social Rencontre Documentaire. Alors la nouveauté pour cette année est que pour la première fois, l'association Aurélia apporte son soutien au festival par un financement d'une récompense à un réalisateur qui recevra le prix de la solidarité et avec un jury composé d'usagers d'Aurélia. C'est bien cela, monsieur ? Oui, alors effectivement. Donc Aurélia est partenaire de l'IRTS depuis de nombreuses années par plein de liens entre les deux structures, entre l'IRTS et Aurélia. Ce sont à la fois nos professionnels d'Aurélia qui, pour l'essentiel, sont formés ou ont été formés à l'IRTS, mais c'est aussi des professionnels d'Aurélia, dès lors qu'ils ont une certaine expérience, qui vont former et donner des cours donc à l'IRTS. Donc il y a eu quand même depuis de longues dates des liens entre les deux structures. En ce qui concerne le festival du film d'action sociale, ben, c'est par l'intermédiaire du GSA, donc le GSA, donc qui est une structure d'Aurélia, que le lien s'est fait. Le GSA, qui veut dire groupe solidaire actif, et qui organise plein d'activités pour des personnes bénéficiaires des minima sociaux, tous les minima sociaux. Le GSA organise plein d'activités innovantes, intéressantes. C'est un lieu d'accueil, de convivialité, où chacun vient librement. Et notamment, le GSA a noué un partenariat fort avec Fadjet, parce qu'il y a plein d'émissions de Fadjet qui sont maintenant animées par le GSA. C'est des actions de citoyenneté, de solidarité qui se jouent là par le GSA. Et c'est pourquoi le GSA s'est allié au Festival du film d'action sociale. On retrouve là-dedans un fil rouge, hein, l'action sociale, l'IRTS, Fadjet, Aurélia, le GSA. Tout ça, on est quand même un petit peu en famille. Une belle famille, bien sûr, Bernard, quoi donc ? Un petit mot de conclusion, si vous voulez bien, et en rappelant eh bien, le site internet d'Aurélia. Voilà, eh bien, écoutez, moi je voudrais, en conclusion, souhaiter une pleine réussite à ce grand festival du film d'action sociale. Ça ne va pas manquer de développer encore l'esprit de solidarité qui plane sur le Grand Nancy avec toutes ces structures dont on vient de parler. Et puis, je voudrais enfin rappeler aux personnes qui nous écoutent comment prendre un premier contact avec le GSA. Contact qui n'engage à rien, bien sûr. Hein. Alors, pour prendre contact avec le GSA, il suffit de rejoindre la page Facebook du GSA. Il suffit de taper dans le moteur de recherche de Facebook, de taper GSA Aurélia, GSA Aurélia, ou bien encore d'aller sur Internet, sur le site d'Aurélia, Aurélia, A-R-E-L-I-A. asso.fr. Je pense qu'on a bien noté tout cela. Merci beaucoup Bernard Quadon pour votre disponibilité. On vous souhaite un bon festival et étant en direct dans les studios de Radio Fagette, eh bien toute l'équipe et moi-même, on profite pour vous saluer car je crois que vous connaissez particulièrement bien cette radio associative puisque vous l'avez tout à l'heure dit dans vos propos. Effectivement, je connais bien Fadjet. Je connais même très bien Fadjet, puisque j'y ai milité pendant une dizaine d'années. Et même, j'en suis devenu le président pendant plusieurs années. Donc, j'y ai rencontré de très belles personnes, des gens passionnants. C'est vraiment une super association qui fait un excellent travail avec les jeunes et par le biais de la radio, tout simplement. Merci encore d'avoir répondu à notre interview. Bernard Quadon, belle journée à vous et à très bientôt. Merci à vous et puis bon festival. Merci. Merci à Bernard Quadon et à Roger. Nous retrouvons à présent une autre jury du Prix de la Solidarité, et c'est toi, Sandrine, qui accueille Florie Després, coordinatrice de l'action Tremplin Sport du comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Allez, c'est à vous. Bonjour Florie. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'action Tremplin Sport du CEDOS de Meurthe-et-Moselle. Et vous participez avec quelques adhérents au 23e festival Regard Documentaire, organisé par l'IRTS de Lorraine, qui se tient cette semaine, du 17 au 23 mai. Pouvez-vous d'abord nous expliquer en quelques mots ce qu'est Tremplin Sport ? Bah oui, effectivement, donc le dispositif Tremplin Sport est porté par le comité départemental olympique de Meurthe-et-Moselle. Et il permet en fait à toutes les personnes qui n'en ont pas forcément la possibilité, toutes les personnes suivies par un travailleur social, de pratiquer une activité ou plusieurs, une activité physique et sportive de manière gratuite sur la métropole du Grand Nancy. Et l'objectif premier de ce dispositif-là, c'est se faire plaisir, renouer du lien, reprendre confiance en soi, gagner en autonomie, etc. Comment avez-vous connu le festival Rencontre Documentaire de l'IRTS de Lorraine, Florie ? Eh ben en fait, en tant que professionnelle et en lien direct avec le champ social, je connaissais depuis déjà plusieurs années le festival et c'est vrai qu'on y trouve souvent des documentaires autour du thème de l'insertion, du handicap ou encore du sport, et c'est ce qui m'a motivée, moi, en tant que professionnelle, à regarder, et c'est comme ça que je connais. À votre avis, qu'apporte un festival comme celui des rencontres documentaires à une action comme la vôtre au niveau du sport ? Et bah justement, ce sont les thèmes, l'insertion, le sport, le handicap, tout ça, qui sont vraiment directement en lien avec le dispositif Tremplin Sport, et ça apporte des regards différents, des idées, des envies, et c'est une vraie source d'inspiration pour nos actions, en fait. Cette année, vous faites partie du jury du Prix de la Solidarité, décerné par le GSA d'Arélia. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure ? Eh ben, tout simplement parce que Arélia est un partenaire fort de notre dispositif Tremplin Sport et on travaille souvent en collaboration et notamment avec le GSA. Et c'est donc tout naturellement qu'on a rejoint l'aventure avec plusieurs membres de Tremplin Sport dans le jury du festival. C'est votre première participation à un jury d'un festival, Florie ? Eh ben oui, ouais, tout à fait, c'est ma première participation. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Florie Després. On vous souhaite un bon festival et de beaux échanges en perspective. Et on se retrouve en ligne pour cette 23e édition tout au long de la semaine. Merci encore et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Vous êtes toujours bien sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net avec de nouveaux invités à présent qui arrivent. Et c'est toi, Laetitia, qui reçoit Jason, Emilienne et Frédéric de la pension de famille d'Arélia, la Cuesta à Toul, qui sont eux aussi jurés au festival Rencontre Documentaire, festival d'action sociale. C'est à vous. Bonjour Jason Besoin, vous êtes travailleur social à la pension de famille La Cuesta à Toul. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer ce qu'est la pension de famille La Cuesta de l'association Arélia ? Alors bonjour, la pension de famille La Cuesta, c'est une résidence sociale bien spécifique qui propose un logement privé sans limite de temps, ainsi qu'un espace collectif où différentes animations et activités favorisent la sociabilisation des résidents et leur insertion. Bonjour Emilienne Martin. Bonjour madame. Alors vous êtes là en tant que résident à La Cuesta, vous avez rejoint la sélection du jury du prix de la solidarité du festival du film Rencontre Documentaire de l'IRTS de Lorraine. C'est votre première participation à ce festival ? Oui. Et on a été invité par le Lionel pour participer au festival. D'accord. Et en quoi consiste votre rôle de juré ? C'est la première fois que je le fais. Et ça va, ça vous plaît ? Oui. Ah super. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes en tant que résident de La Cuesta, vous avez rejoint la sélection du jury du prix de la solidarité du festival de films Rencontre Documentaire de l'IRTS de Lorraine. C'est votre première participation à ce festival ? Oui, tout à fait. Et en quoi consiste votre rôle de juré ? En fait, mon rôle de juré, c'est le film qu'on a le plus aimé, parmi les 51 films qui sont proposés. D'accord, et super. On a sélectionné 10 films à partir des résumés où on a regardé ces 10 films. Et en quoi ce festival apporte une animation à votre pension de famille ? Pour les activités, tout ça. Eh ben merci à tous, merci à Jason, merci à Frédéric, merci à Emilienne de votre disponibilité. Et du coup, on vous souhaite un bon festival et à très bientôt. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. La fin de l'émission approche, mais avant, nous allons accueillir Christian, le petit nouveau de la Dream Team. Bienvenue à toi, Christian. Alors toi, tu es allé à la rencontre de Laetitia Mangeant-Jean, qui est membre du GSA et qui est aussi jurée du prix de la solidarité durant ce festival. Allez, on vous écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Christian. Vous êtes membre du GSA de l'association Aurélia. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est le GSA ? Bien sûr. Le GSA, c'est le groupe solidaire actif qui est une action menée depuis 2012 par l'association Aurélia et qui consiste à mener des activités et partenariats en congestion, coparticipation dans un cadre solidaire et citoyen, afin de remobiliser dans leur projet de vie des personnes qui se retrouvent seules et qui souffrent d'isolement social. C'est ce que l'on appelle une action de remobilisation sociale. Et le GSA est soutenu par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du RSA. Nous accueillons toutefois toute personne allocataire d'un minima social de la métropole du Grand Nancy qui a envie de rencontrer d'autres personnes et de participer activement aux actions proposées et organisées par les membres. Voilà une présentation complète. Comment avez-vous connu le festival du film Rencontre documentaire de l'IRTS de Lorraine ? Alors, nous sommes partenaires de l'IRTS depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre notamment de participation à des actions de formation des travailleurs sociaux que nous partageons avec les étudiants et qui s'appellent Techniques éducatives, où nous participons à un atelier photo. De nos contacts avec l'IRTS, le responsable du festival, Daniel Frisoni, nous a contactés un beau matin pour nous demander si nous étions intéressés d'y participer. Et comme nous sommes curieux, eh bien nous avons dit oui. Et cela fait maintenant 3 ans que nous participons. Quelle est justement votre participation à ce festival ? Jusqu'à maintenant, nous étions invités à participer aux projections et animations du festival et en organisant nous-mêmes des projections publiques à Aurélia, ailleurs, durant la semaine du festival, où nous trouvons cela vraiment très intéressant. Alors cette année, pas de festival en public, pour des raisons qu'on le sait, mais en ligne, et le GSA évolue encore dans sa participation au festival. Eh oui, cette année, et pour la première fois grâce à Aurélia, nous sommes jury du festival et nous remettons le prix de la solidarité. C'est une vraie et belle expérience, mais aussi une vraie responsabilité. Et nous sommes très fiers d'avoir cette responsabilité. Comment se déroule alors ce jury ? Eh bien, c'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Dans un premier temps, nous avons présélectionné 10 films, des 51 films retenus au festival. Et cette semaine, en visionnant ces 10 films, nous allons voter pour celui qui remportera le prix. Nous avons beaucoup de discussions, d'échanges et nous prenons cette mission très au sérieux, mais toujours dans une bonne ambiance. Vendredi, vous connaîtrez notre film élu. Malgré les conditions sanitaires, vous allez faire comme les années précédentes. À quelle animation cette semaine de festival ? Oui, nous organisons des sessions de débat en ligne, en début de semaine et en journée, en soirée. Et puisque mercredi, nous allons arriver à la deuxième étape du déconfinement, les cinémas rouvrent. Alors nous avons pour objectif de proposer en jauge limitée et précautions sanitaires respectées, une journée et soirée projection publique, sous réservation, à notre local du GSA à Vendeuve. Où peut-on trouver tous les renseignements de votre participation à cette 23e édition du festival ? Rencontre documentaire à organiser par l'RTS de Lorraine. Eh bien, nous avons une page publique sur Facebook qui s'appelle Aurélia Online, où nous avons mis les infos de toute la semaine de festival. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme du festival, où nous avons une page avec toutes les infos. Eh bien, merci Laetitia pour tous ces renseignements. Et nous vous souhaitons un bon festival et un beau palmarès vendredi soir. À bientôt. Merci Christian, à bientôt. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission spéciale autour du 23e festival du film d'action sociale Rencontre documentaire organisé par l'IRTS de Lorraine. Et vous l'avez entendu, avec une belle et grande sélection de films plus intéressants les uns que les autres et avec beaucoup d'invités. Avant de conclure, quelques rappels. Ce festival a démarré ce matin et durera jusqu'à vendredi soir. Il est ouvert aux professionnels de l'action sociale, du cinéma, comme au grand public. Vous pouvez regarder les 50 films de la sélection 2021, suivre les actualités du festival et ses nombreuses animations tout au long de la semaine, dont l'ouverture du festival qui a eu lieu ce matin à 9h et qui est diffusée sur la plateforme, et la remise des récompenses des différents jurys aux réalisateurs qui aura, elle, lieu ce vendredi prochain à 18h sur la plateforme du festival. les réseaux sociaux et YouTube. Il vous suffit pour cela de vous connecter directement à la plateforme, comme Agathe Antoine vous l'a rappelé tout à l'heure, ou contacter directement Agathe par mail, dont l'adresse est agathe.antoine@irts-lorraine.fr, je répète, agathe.antoine@irts-lorraine.fr. Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 15 21 19 82. Elle vous donnera le lien pour vous inscrire sur la plateforme du festival. Et puis vous pouvez aussi retrouver le festival sur le site de l'IRTS de Lorraine ou sur Facebook. Et voilà, cette émission spéciale des bons plans solidaires du GSA se termine et nous tenons vraiment à remercier tous nos invités de leur disponibilité, ainsi que les membres des chroniqueurs de la Dream Team qui, je vous assure, ont vraiment beaucoup travaillé pour préparer cette émission. Un grand merci aussi à Yves, à la technique, pour son professionnalisme. Voilà, nous espérons que cette émission vous a intéressé et vous a plu. Nous avons essayé d'être le plus complet possible sur cette belle manifestation culturelle dans notre région. Nous ne pouvons que vous conseiller de rejoindre la plateforme en ligne du 23e Festival du film d'action sociale Rencontre documentaire de l'IRTS de Lorraine et vous souhaiter à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Fadjet 94.2 et Fadjet.net, un excellent festival. Vous pourrez retrouver dès cet après-midi cette émission en podcast sur Fadjet.net à la rubrique Les bons plans solidaires. Encore bon festival à tous, belle journée sur Fadjet et on se retrouve très vite. Dans quelques minutes, vous retrouverez votre journal avec toute l'équipe du Très en Forme. À bientôt, ciao, bye bye.